Bien-aimés, décidément, ce soir, le Seigneur renverse tout, il chamboule tout. Vous avez entendu dans la première lecture, il nous dit cette chose étonnante par la parole de saint Paul aux Romains, il dit, voilà, nous ne savons pas prier comme il faut. Lui-même, saint Paul, dit ça, alors que saint Paul, bien que c'est un saint quand même, on se dit, il sait prier, lui. Ça me fait penser souvent à toutes ces personnes qui me disent, mon père, comment est-ce qu'il faut prier? Je ne sais pas. Je ne sais pas, saint Paul aurait répondu ça, je ne sais pas. C'est l'Esprit Saint qui sait. Ou plutôt, si je sais, je sais que c'est l'Esprit Saint qui doit prier en nous. Vous voyez à quel point, jusqu'où il faut que nous soyons totalement abandonnés dans les mains de Dieu. Sinon, ça ne marche pas. Même la prière, nous ne savons pas faire. Il n'y a que Dieu qui puisse prier en nous. Et nous, ce que nous avons à faire, c'est laisser Dieu faire. Laissez Dieu faire. Eh bien, je crois que c'est aussi ce que Jésus nous dit aujourd'hui dans l'Évangile. Voyez, lorsque il est en train de passer par les villages et les villes, il enseigne, il parle beaucoup, et il donne la vérité, la sagesse qui vient du ciel et qui éclaire le chemin de tous les hommes. Et justement, il y a un homme qui est là et qui voit qui entend cette parole de Jésus qui est tellement lumineuse. Il commence à se poser des questions fondamentales. Et il va poser la question que tout le monde se pose à cette époque, comme à toutes les époques d'ailleurs, la question qu'on se pose et à laquelle on va donner des réponses toutes plus farfelues les unes que les autres. Et certainement qu'il avait cette réponse en tête, qu'il n'y a qu'un tout petit nombre d'élus qui seront sauvés, qui iront au ciel. Vous voyez, à certaines époques de l'histoire de l'Église, on a pensé ça. Et puis à d'autres époques, on a pensé le contraire, qu'absolument tout le monde était sauvé, que l'enfer n'existait pas. Et donc, il pose la question à Jésus, mais alors, est-ce que c'est bien comme on nous a dit, toi qui as l'air de tout savoir, toi qui as l'air d'avoir la lumière de Dieu, toi qui as l'air de savoir qui est sauvé, est-ce qu'il n'y aura finalement qu'un petit nombre qui sera sauvé? Sous-entendu, est-ce que nous serons sauvés? Et vous voyez la réponse de Jésus. Il dit, voyez, ce n'est pas en termes de chiffres qu'il faut penser les choses. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est renverser votre vision, votre manière de voir les choses. Ne pensez pas comme on pense dans le monde, avec des quotas. Ne pensez pas qu'on entre dans le ciel comme on entre dans une boîte de nuit, ou comme on entre au restaurant ou je ne sais quoi, ou comme on passe un concours. Avec des quotas, voilà, et puis certainement aussi avec des passe-droits. Et oui, c'est ça, c'est le problème, c'est que beaucoup pensent ça. Ah oui, moi je suis chrétien, j'ai été baptisé il y a très longtemps, donc j'ai le tampon, j'ai le passe-droit, je vais me présenter à la porte du ciel. D'ailleurs, ma grand-mère, elle priait beaucoup. Peut-être que ça sera très important, ça. Mais, voyez, je pourrais dire, moi j'ai le tampon, je peux arriver au ciel, peu importe ce que j'ai fait dans ma vie, j'arriverai au ciel et j'aurai le passe-droit. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. C'est écrit, ça y est, c'est figé, le destin est plié, quoi qu'il arrive, j'irai au ciel. Et alors Jésus, voyez ce qu'il répond. Il répond, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il répond, si vous vous présentez à la porte du ciel et que vous pensez des choses comme ça. Seigneur, Seigneur, on se connaît, n'est-ce pas? Allez, ouvre-moi, je connais le patron. Vous savez? Le Seigneur dira non, je ne vous connais pas. Mais Seigneur, je suis chrétien, je viens d'un milieu chrétien, je viens d'un pays chrétien. Il y avait des croix dans mon village, il y avait même une église. Bon, j'y allais pas souvent, mais quand même. Eh bien, je suis chrétien, donc je dois pouvoir entrer. J'ai le passe-droit, j'ai le tampon. Jésus dit non, ça n'est pas comme ça. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'injustice. Voyez-vous, ça n'est pas au tampon qu'on vous fera entrer au ciel, c'est selon vos actes, selon ce que vous faites, la manière dont vous vivez, concrètement, jour après jour. Ce n'est pas parce que vous pourrez présenter, voyez toute l'affiche, j'ai été à la messe ce dimanche-là, ce dimanche-là, ce dimanche-là, ce dimanche-là, j'ai quasiment tout fait, toutes mes communions. Ce sont par rapport à vos actes, les actes que vous aurez commis dans votre vie. Si vous avez agi selon l'évangile que vous avez entendu tous les dimanches, si vous avez agi selon l'évangile qui nous raconte l'histoire du Christ auquel vous avez communié tous les dimanches, si vous avez agi en fonction de ce Dieu et de l'Esprit Saint qui a été répandu dans votre cœur au jour de votre baptême, si vous avez reconnu humblement vos fautes et votre incapacité à agir par vous-même, là, la porte sera grande ouverte. Autrement dit, si vous avez cherché à entrer par la petite porte, la porte de l'humilité, la porte de l'évangile, la porte des saints, la porte qui transforme la vie, qui fait que notre vie est à l'image de ce Jésus que vous professez, alors vous entrerez. Mais je vous préviens, cet esprit du monde qui vous fait croire que vous entrerez par des passe-droits est très puissant. Et vous risquez vous aussi de vous faire prendre au jeu. Il nous le dit, hein, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Beaucoup, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'il en suffit d'un ou de deux. Pour Jésus, c'est déjà beaucoup. C'est énorme. Jésus dit beaucoup. Ça veut dire que vous êtes concernés. Ne vous faites pas d'illusions. Changez votre vie. Essayez de vous mettre vraiment dans les pas du Christ. Laissez-vous transformer par le Saint-Esprit activement. À chercher activement à laisser Dieu agir en vous. Et alors, la porte sera ouverte. Vous serez par la petite porte et vous pourrez entrer au ciel. Alors demandons au Seigneur aujourd'hui, d'une manière nouvelle, encore et encore, dans cette Eucharistie que nous célébrons, alors qu'il parle clairement dans son évangile et qu'il nous demande vraiment de changer quelque chose dans notre vie, de nous mettre à la dernière place, de chercher à être petit, humble, de laisser Dieu agir en nous, que pendant cette communion, eh bien, nous puissions vraiment lui livrer notre âme. Que ce soit lui qui prenne possession de notre vie, qu'il puisse agir en nous, qu'il puisse prier en nous, qu'il puisse nous transformer pour nous conduire lui-même par cette petite porte qui mène à la vie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.